Bribes, post-scriptum. Ça me revient. Dieu a été puni. Ce jour-là, j'ai compris que Dieu n'était pas tout-puissant. Je ne l'ai plus jamais revu depuis. Celle tes charmes. Thorne comprend à présent. Ça a été les derniers mots de Dieu avant qu'il ne disparaisse de sa vie. Celle tes charmes. Sèche tes larmes. Dieu gouverne le monde et il fait des lapsus. Il manque désormais une dernière pièce au puzzle de Thorne, celle qui l'empêche par son absence de voir enfin la vérité dans son ensemble. Pourquoi Farouk s'est-il persuadé que Dieu a été puni? Parce que, dans l'éventualité où il aurait raison, cette question en soulèverait une autre infiniment plus troublante. Par qui ?